LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Expirez, rentrez le ventre, bien fort Michel, roulez vers l'avant, arrondissez la colonne vertébrale, venez déposer le front sur le genou. Créez une compression. Quand on pense yoga, on imagine équilibre, karma, sensation d'étouffement, bienveillance, au niveau de la thyroïde, parathyroïde, vraiment compresse méditation silencieuse. Plus le pied derrière, vous c'est bien Elodie. Et puis la jambe au sol, tendue il y a le yoga bikram. Le menton rentré. Tout le monde devrait avec cette posture avoir un double menton. Le concept de ce yoga, c'est de répéter à chaque cours exactement les mêmes enchaînements de postures, soit 26 plus deux exercices de respiration devant un miroir pendant 1 heure et demie dans une salle humide, chauffée à 42 degrés. Relâchez. Pendant ce cours, j'étais comme tout le monde, en maillot de bain. J'ai failli casser le matériel d'enregistrement qui n'a pas la flexibilité d'apprécier l'ambiance tropicale de la salle. C'est vraiment comme un mantra qu'on se répète, la chose sur laquelle on se concentre. Mais je dois avouer que j'ai quand même eu une certaine addiction pour ce qui peut apparaître comme une séance de torture dans un sauna. Pendant des semaines, j'y suis allée tous les jours. Oui, tous les jours, à me tordre devant un miroir jusqu'à ce que j'ai un malaise et que je doive quitter le cours. Je me suis alors retrouvée en maillot de bain dans la rue en plein mois de janvier. À l'époque, je vivais aux États-Unis et comme 40 millions d'Américains, je succombais à une certaine yoga mania. J'allais au cours de yoga Bikram un peu pour la peau douce que j'avais en sortant, beaucoup pour imaginer que j'allais sculpter mon corps et perdre mes graisses superflues. Et surtout, surtout pour le flash. Quand la prof disait « Party time, yogis !» À ce moment-là, c'est le repos total. Tout s'arrête. On s'allonge enfin, trempé de sueur. Et là, là, toutes les pensées se dissipent. Remonter une vertèbre à la fois. C'est d'ailleurs une des définitions du yoga, l'arrêt des fluctuations mentales. Et ça, ça fait un bien fou. Allongez-vous sur le dos, Savasana. Lorsque j'habitais aux États-Unis, mon premier cours de yoga, c'était un cours de yoga Bikram, et j'aimais, adoré. Ça a été une révélation totale. Je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai vraiment l'impression que je peux pas le décrire autrement, c'est que j'ai l'impression de récupérer mon corps, de retrouver des sensations. C'est pas évident en fait d'être face à un miroir dans cette chaleur, à tenir 90 minutes. On rentre en connexion entre son corps et son esprit, et c'est là où c'est une vraie pratique de yoga. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir, j'ai ça comme souci au boulot. On peut pas se mettre à penser vraiment à autre chose. On est vraiment dans le moment présent. Et c'est ça, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Cet effet que Marine a ressenti comme moi, c'est celui d'un yoga qui porte le prénom d'un Indien qui a donc popularisé ses 26 postures en Occident. Il a même essayé de déposer un copyright pour l'enchaînement de ses exercices qu'il a exporté dans des centaines de pays. Il s'appelle Bikram. Would you welcome Bikram Chandra? Chaudhu. Half a billion people has been benefited directly, indirectly from Bikram yoga around the globe. À Paris, Marine a été la première prof à importer le yoga Bikram après des années de pratique et une formation de 9 semaines à Los Angeles avec Bikram lui-même. Quand on est arrivé en 2002 à Paris, c'est vrai que l'image du yoga était très post-70. On avait l'impression qu'il allait y avoir de la musique, des encens, qu'on allait chanter. Alors que ça peut être une partie du yoga, mais c'est vrai que la manière dont le yoga est pratiqué traditionnellement en Inde, c'est quelque chose de très dynamique. Il y a vraiment quelque chose qui correspond avec un mode de vie urbain, occidental, de personnes qui vont être assez sédentaires. Et ce yoga pour occidentaux sédentaires, Bikram Chaudhuri a voulu en faire un yoga exportable en créant un cours qui aurait donc le même goût partout dans le monde. I completely created another kind of yoga system. I started thinking, it's what a waste of time. In one day, I teach 5 people. How can I teach 5,000 people? À Tokyo, à Los Angeles ou à Lyon, les élèves répètent donc exactement les mêmes postures dans le même ordre. Mets ton menton à ton épaule, Elodie. Et qu'ils s'appellent Elodie, Michel, Raquel Welch, Quincy Jones, John McEnroe ou Shirley MacLaine. Comme une chaîne de fast-food, le yoga Bikram est un yoga standardisé dont l'enseignement est reproductible à l'infini. Exactement. C'est pas des termes qui sont très séduisants, mais lui, ce qu'il voulait, donc, c'était vraiment de faire un yoga pour les masses. C'était vraiment pour le plus de gens possible. Il voulait pas du tout que ça soit un truc élitiste, que ça soit pas un truc destiné aux gens souples. Il fallait que ça soit pour tout le monde. C'était vraiment ça l'idée. Moi, je trouve que là-dessus, il a vraiment réussi parce que maintenant, ça fait longtemps que j'enseigne et je le vois à l'intérieur des cours. On va avoir des personnes âgées, des personnes en surpoids, des personnes avec des douleurs physiques chroniques, des personnes qui subissent un stress énorme dans leur vie personnelle ou au travail. Il va y avoir des hommes, des femmes. On voit dans nos cours qu'il y a tellement de gens différents. Tout le monde a sa place et on en tire des bénéfices incroyables. Pieds flex, bras au-dessus de la tête, pouces croisés, remontez vite, sit-up. Même si le cours reste le même, chaque prof a sa touche, son style, et tous doivent suivre la formation pour professeurs de yoga Bikram. Pour près de 10 000 euros, ils ont quelques semaines pour apprendre ce que Bikram appelle le dialogue, une conversation ininterrompue avec les élèves à qui on parle non-stop pendant le cours. On va essayer Padangusthasana, écoutez très attentivement les instructions pour les débutants. Les deux mains devant la poitrine en Namaskar, si le pied glisse, ça n'est pas grave. Le parcours de Bikram, l'inventeur de ce yoga, ressemble un peu à un conte de fées à l'américaine. My first student in America is Elvis Presley. My second student is President Nixon. L'histoire d'un enfant pauvre des rues de Calcutta qui va apprendre le yoga avec un maître sévère. Bikram est né en 44, il arrive en Californie dans les années 70 après un séjour à Tokyo où il invente ce concept de yoga chaud. Torridité oblige, le maître donne ses cours en slip. Il révolutionne alors la mode du fitness et commence rapidement à monter un empire en millions de dollars avec un storytelling imparable et des élèves stars qui deviennent les meilleurs ambassadeurs du professeur. I never even applied for a green card. The green card was a gift from Nixon. Avant de quitter ses cours, je me disais bien que Bikram avait travaillé sa légende. J'avais entendu qu'il avait une aura sulfureuse et des plaintes pour agression sexuelle déposées contre lui. Je n'aurais certainement pas eu envie de me retrouver en maillot de bain à côté de lui, mais Bikram me paraissait bien loin du studio de DuPont Circle où je prenais des cours avec une prof juive orthodoxe qui gardait d'ailleurs sa longue jupe et sa perruque, malgré l'ambiance sauna. Never really done yoga until you've done a Bikram class. Quelques mois après que j'ai suivi mon premier cours avec Marine à Paris, un documentaire a secoué la communauté du yoga Bikram. Les rumeurs avaient enfin un visage, celui des anciens élèves victimes de Bikram qui témoignaient enfin à l'écran. Alors Marine a voulu nous revoir dans son studio yoga Bikram de Paris. C'est vrai que pour nous ça a été un choc. C'est ça qui est très difficile, c'est que Bikram Chaudhuri, c'est une personne, et le yoga Bikram, c'est le nom d'une série de yoga qui existe depuis les années 70. Enfin, je veux dire, ça fait 50 ans que ça s'appelle comme ça. Comme le yoga Iyengar s'appelle le yoga Iyengar, et c'est le nom de son créateur. Le yoga Ashtanga, il a le nom Ashtanga. Et on sait que dans n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, ça sera son nom. Donc là, c'est difficile de perdre notre nom. Parce que je peux parler que de mon expérience personnelle. Tout ce que j'ai eu, c'est de faire des cours de yoga avec lui. Donc moi, dans mes cours de yoga, c'était, il est très charismatique. Il va arriver vraiment à nous faire rentrer dans la pratique. Au niveau de l'enseignement, moi, je peux pas. J'ai eu une bonne expérience. C'est étonnant et pas étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est dans tous les milieux. Il y en a eu dans d'autres yogas, enfin, je veux dire, c'est tragique, c'est déroutant. Est-ce qu'on se sent trahi par son professeur quand on apprend qu'il a eu un comportement de prédateur sexuel? Je sais pas. Ouais, je sais pas encore. J'ai besoin de plus de temps et puis ça n'enlève en rien qui on est, nous. Enfin, je veux dire, nous, on est des profs de yoga, on adore ce qu'on fait. C'est une méthode qui fonctionne super bien. On est depuis 18 ans avec nos élèves au quotidien, ouvert 7 jours sur 7. On bosse, on aime ça. Et c'est vrai qu'on est une entreprise française, indépendante, c'est une petite TPE et je ne reverse aucune franchise. Le seul échange qui a eu d'argent, c'était de ma formation il y a 20 ans. Je ne le dis pas du tout dans un sens comme si ça ne m'affectait pas et que ça ne me concernait pas, mais ce n'est pas moi. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans la passion d'une pratique et l'envie on a envie que les gens aillent bien et c'est ça qu'on vit au quotidien. On n'est pas en train de faire la promotion d'un gourou, d'un yogi. Et franchement, c'est, je pense qu'il y a peut-être 80% des gens qui ne savent pas que Bikram est également une personne. Je pense que le yoga Bikram est plus connu que Bikram Chaudhuri. I don't know your name. I don't know which kind of problem you have. Inside out, I will activate, re-energize, revitalize, reorganize. Au fond, Marine posait une question importante, celle du lien entre gourou, maître et prof de yoga, une profession qui n'est ni définie ni encadrée. Il suffit souvent d'une formation de 200 heures pour enseigner. Je suis donc allée poser cette question à Isette Ardan-Masculier de l'École française de yoga et de la Fédération nationale des enseignants de yoga. Ah, c'est une très belle question. Alors, gourou et maître, on pourrait dire que maître, c'est une des traductions de gourou. C'est celui qui donne un enseignement et qui, par l'exemple de sa vie, confirme que cet enseignement est vrai. Le gourou, le maître, c'est celui qui est sur un chemin parce qu'il a fait un certain nombre d'expériences, il a expérimenté une partie de ce chemin et il emmène avec lui ses disciples et il leur fait vivre le même type d'expérience et il les guide par un enseignement. Le professeur de yoga est d'abord, le nom le dit, et même si ça peut choquer peut-être certaines personnes qui ont une vision très idéaliste du yoga, le professeur de yoga, c'est d'abord un professionnel. C'est-à-dire qu'il doit respecter des règles qui sont celles de la société dans laquelle on vit. C'est pas celle de la période des Upanishads sur les bords du Gange. C'est ici et maintenant. Donc, il doit avoir une relation qui est une relation juste, éthique, avec ses élèves. Il doit être payé correctement. Il doit aussi connaître ses limites. Il n'est pas un psychologue. Il n'est pas un kiné, il n'est pas un médecin, il n'est pas un directeur de conscience, il n'est pas un pasteur. Il a un métier qui est enseigner des séances de yoga. Donc, il est d'abord un professionnel. Avant, le yoga était enseigné de maître à disciple, parfois dans le secret ou en tout cas avec très peu d'élèves. Le gourou était donc littéralement celui qui allait faire passer de l'ombre à la lumière. Okay, let's begin as we always begin with Om Namo Gurudev Namo. Mais depuis qu'il a conquis l'Occident, les maîtres et les profs ont des comptes Instagram et d'autres en Suisse, ils ont Facebook et un nombre d'élèves démultiplié par la mondialisation. Et le net se transforme en ashram virtuel dont les portes sont ouvertes 24 heures sur 24. Après mon trip Bikram aux États-Unis, j'ai donc pratiqué sans professeur. Enfin, en regardant une vieille vidéo d'une prof qui préparait des cours d'accouchement sans douleur. Elle avait l'air un peu âgée, mais très souple. Elle était assise sur une estrade, entourée de fleurs. Take it down, slide the elbow, stretch really, really, really, really long. Your kneecaps up. My name is Guru Mukh. Mon nom est Guru Mukh. A Guru Mukh is one who takes thousands of people across. Guru Mukh, ça signifie faire traverser l'océan du monde à des milliers de personnes. So it means one who just helps. Ça veut dire aider les gens à passer de la peur à l'amour. Whatever. Je pensais que Gurmukh resterait à jamais pour moi une présence un peu irréelle, enfermée dans un écran, un peu comme le prof François de Casimir ou Véronique et Davina. Et puis un jour, j'ai su qu'elle existait vraiment, qu'elle avait même donné des cours à des stars d'Hollywood. Madonna to Michael Jackson to on and on. Eyes are still closed, legs are folded. And my ego was getting very big. Alors, après pas mal d'emails surréalistes et des rendez-vous manqués, on a finalement commencé notre interview par une prière. Can I record? Yeah. Pour moi, les cours de Gurmukh, c'était un peu comme des contes qui m'ont emmené ailleurs pour éviter la péridurale. Gurmukh disait que le savoir ne devait pas être appris. Mépris. Mais surtout, ce que j'aimais dans ses cours, c'est qu'elle racontait ce qui l'avait formée, elle. Des poèmes irlandais, une enfance dans le Midwest, des lettres d'Einstein à sa fille, et surtout, Claude Debussy. Does that make sense? You can't just keep reading books and books and books, right? Tu ne peux pas juste lire des livres et des livres. Parfois, c'est juste l'expérience d'une chose, d'une ligne ou d'une musique de Debussy qui peut t'élever. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais je jouais du piano et je jouais le clair de lune de Debussy. Chaque fois que je jouais, je pleurais. Je l'aime tellement. Je l'écoutais en boucle. Je ressentais Claude Debussy profondément. Et sa musique m'habite encore aujourd'hui. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas les apprendre. On n'apprend pas à aimer ou à ressentir. Et c'est toute la différence entre lire un livre et avoir en soi cette sensation de vérité, et de beauté. Est-ce que ça peut être enseigné? En ce qui me concerne, à travers le yoga kundalini et la méditation, j'ai vu des petits miracles. Et notre but, c'est que quand nous quitterons cette terre, c'est d'avoir formé des enseignants pour pouvoir transmettre cela à travers le monde. I can't imagine. I've been doing this 50 years. J'enseigne tout cela depuis 50 ans. Really doing anything else. Je ne peux pas imaginer faire autre chose de ma vie. Ça n'aurait pas de sens. J'ai commencé ce chemin il y a plusieurs années. À l'époque, je cherchais un moyen de vivre. Je ne possédais rien d'autre que ma brosse à dents. J'étais une hippie, et les hippies cherchaient Dieu. On cherchait une finalité à la vie, pas celle que nos parents ou la société nous avaient enseignée. Trouve un boulot, gagne de l'argent, va à la fac, tous ces trucs. On était en pleine guerre du Vietnam, on se battait contre ça. On a été arrêtés à San Francisco. Après, je suis partie à Hawaï et là, je me suis enfin sentie très libre. Je faisais que du surf, je ne mangeais que des fruits, je jeûnais, tout ce genre de choses. Mais il me manquait quelque chose quand même, et je ne savais pas quoi. Et ce n'est que lorsqu'un ami m'a emmené à mon premier cours de yoga dans un ashram à Tucson, en Arizona, que j'ai su. Il a payé mon entrée, $75, et il est parti comme un ange. Il est apparu et je ne l'ai jamais revu. J'allais devenir une religieuse zen parce que je n'arrivais pas à vivre dans la société. Pour moi, ça n'avait pas de sens de travailler. Travailler pour quoi? Et dans cet ashram, j'ai rencontré mon professeur, Yogi Bhajan. C'était il y a environ 50 ans. Et ma vie a commencé à prendre sens. Servir, enseigner, aider les gens. Pour lui, c'était le plus important. Et c'était l'être humain le plus évolué que j'ai jamais rencontré. Yogi Bhajan, le maître de ma prof fan de Claude Debussy, ne cessait de dire « Je suis un être humain et pas un gourou ». Il a disparu en 2004, mais ces derniers mois, son héritage a été chahuté par la parution d'un livre écrit par celle qui fut sa secrétaire et son amante. Pamela Dyson l'accuse d'avoir été un prédateur sexuel, manipulateur, qui l'aurait entre autres obligé à avorter. De son vivant, la justice américaine n'a pas donné suite à cette accusation, mais cette parution en 2020 a déclenché une salve de questionnements et de témoignages accusateurs détaillés, parus notamment dans un rapport indépendant commandé par la fondation 3HO, créée par Yogi Bhajan lui-même. Ici, j'assiste à une conversation sur Zoom. On est à l'automne 2020, les cours de yoga sont suspendus par la pandémie et ce cercle de parole virtuel réunit élèves, profs et dirigeants de la fondation 3HO. On y parle de possibles dérives de Bhajan, de démêler le vrai du faux et surtout de comment enseigner et pratiquer après ce tremblement de terre. Alors j'ai voulu rappeler Ramsi. Il a peu connu Yogi Bhajan, mais il est prof et surtout directeur du festival de yoga qui avait accueilli nos micros en 2019. L'ombre et les portraits du défunt maître flottait alors un peu partout. Come out stronger and heal yourself. Forcément, ça amène beaucoup de tristesse, une immense déception et on va dire un trouble. Et puis des questions d'ordre moral, d'ordre éthique, parce que quand on lit ça, forcément, on interroge sa propre attitude, sa propre pratique, la communauté, on interroge les autres, on interroge ce qu'on a reçu. voyez, on passe tout en revue. Ça m'a amené à questionner cette notion très vaste, hein, qui dépasse de loin le Kundalini Yoga, de la relation entre élève et enseignant. Quand est-ce que cette relation commence et quand est-ce que cette relation finit? On dit le maître surgit quand l'élève est prêt et le maître disparaît quand l'élève est vraiment prêt. On choisit un maître pour la vie parce que l'impact de cet enseignant sera un impact pour la vie. Et c'est justement ce qu'on cherche. On cherche à transformer sa vie. En revanche, l'idée qu'il n'y ait pas d'autre sortie me paraît être une idée à comprendre d'une autre façon. Soit parce que un enseignant est censé nous enseigner comment apprendre par soi-même. Donc c'est peut-être une façon encore pour vous, professeur de yoga, et je le mets presque au pluriel, de continuer à progresser, ce qui s'est passé d'une certaine façon. Exactement, exactement. Et là où on a vraiment on a des très belles discussions avec les formateurs de Kundalini Yoga en France et puis avec la Fédération française de Kundalini Yoga. Finalement, on est des milliers de formateurs et d'enseignants et des centaines de milliers de Kundalini Yogis sur toute la planète. Et que peut-être que l'enseignant, la référence, elle est là finalement. Elle est dans la capacité à trouver une parole collective et à se dire que c'est un enseignement vaste qui, pendant très longtemps, a été porté par une seule personne, qui était Yogi Bhajan, et que cet enseignement peut être désormais porté à plusieurs, mais sans avoir besoin d'être dans une référence permanente qui est aussi le signe d'une certaine immaturité. If you cannot love your enemy, you can't love yourself at all, because then you are your own enemy. If you cannot see God in all, you cannot see God at all. Une des choses qu'on va peut-être apprendre à faire, c'est citer ces phrases en nous en emparant nous-mêmes. Yogi Bhajan a beaucoup paraphrasé les écritures sacrées des Sikhs, il a paraphrasé Shakespeare, est-ce qu'on peut prononcer ces phrases comme si elles venaient de nous? Tellement on s'est emparé des enseignements, tellement on se les a appropriés. Ces phrases sont des sutras, vous voyez, des vérités universelles, et que ça va nous permettre de faire ce que les institutions auraient peut-être dû entamer depuis longtemps, c'est-à-dire de la recherche historique. Life is in deliverance. Without deliverance, life is death. Doesn't matter which way you live. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, un juré pour la vie. Il est 18h, c'est l'heure du repas du soir, rappelé à tous les résidents par des tintements de cloches. Nous chantons des mantras. L'appel est entendu. Vishketu entre dans la salle. Vêtu de jaune, à l'élégance impeccable, il sourit et tape dans ses mains. Tout le monde chante de plus belle. Il insère entre les paroles de dévotion à Shiva des blagues sur les chapatis, ses pains indiens fabriqués sans levure, puis se positionne au bout de l'allée formée par les rangées de tables. Je suis nouvelle dans l'assemblée. Il pose son regard sur moi et cela ressemble à ce que j'imagine être un regard de gourou. Un regard très intense, comme venu directement des tréfonds de son âme, mais étonnamment neutre et lointain. Il me voit. Au milieu de la foule, il m'a remarqué et me l'a signifié. Je me sens comme une jeune fille repérée au milieu de la cour du lycée par le bad boy de terminale, à la fois flattée et flairant les ennuis à venir. C'est très facile de dire « Oh là là, mais c'est une secte, mais que les gens sont faibles, etc. » Bon, ça reste aussi des communautés avec des gens qui essayent de trouver une autre façon de penser, de réfléchir. Et effectivement, quand j'ai vu le gourou pour la première fois, je me suis sentie à la fois menacée et flattée. Mais menacée aussi parce que je sentais la force que pouvait avoir un gourou, quoi. Mais ce qui est aussi très étonnant, c'est que au bout de quelques jours, ça aurait pu devenir mon gourou, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on commence à se sentir mieux, parce qu'on commence à rentrer dans une autre façon de penser, etc. Mais après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Parce que un gourou, tant qu'il vous demande pas d'abandonner votre famille, qu'il vous demande pas de vider votre PEL, qu'il vous demande pas de coucher avec lui pour avoir l'illumination ou des choses comme ça. En tout cas, la démarche, encore une fois, je pense qu'elle est souvent très sincère, quoi. Mais un gourou, c'est comme un professeur extrêmement charismatique. Donc, je trouve que c'est très difficile d'avoir un avis définitif sur les gourous, quoi, parce que ça dépend évidemment de qui ils sont et de comment ils se servent de leur autorité charismatique, en fait. Mais est-ce qu'aussi une des promesses du yoga, c'est pas de changer son être, d'être transformé, et donc avoir une aide extérieure d'un gourou, c'est motivant? Bah si, bien sûr, Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que aujourd'hui, quand les gens qui vont au yoga, et moi je m'inclus complètement dans ce « on », enfin dans ce « ces gens » en tout cas, quand on va au yoga, c'est parce qu'on, ou on ne va pas très bien, ou on se sent un peu à l'étroit dans la société dans laquelle on vit, soit on a une quête spirituelle, ou une foi sans confession, enfin quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à éprouver, qu'on n'arrive pas à expérimenter, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et effectivement, il y a la volonté de se transformer. Enfin, de se transformer. Pas forcément de devenir meilleur, parce que ça, c'est plutôt un apport de la société moderne et du développement personnel, de penser qu'on doit être toujours une version, une meilleure version de soi-même. Bon, voilà, une version presque photoshopée de soi, là. Mais, en tout cas, on attend une transformation intérieure, bien sûr. Évidemment que c'est... si c'était une recherche dans laquelle on est soi-même, évidemment qu'on cherche des gourous. Mais même sans aller jusqu'au gourou. Quand on fait du yoga, comme on peut le faire aujourd'hui, donc c'est-à-dire juste aller à des cours de yoga, ne serait-ce qu'alors on ne va plus chercher son gourou, on ne fait plus des grands voyages en Inde pour trouver son gourou et celui qui va nous guider, mais ne serait-ce que trouver de trouver sur Internet. Voilà, mais ne serait-ce que de trouver son prof ou ses professeurs et de trouver son cours, etc. C'est déjà une recherche en soi, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, quand je faisais des cours de Pilates ou des cours de les cours de muscu, j'en sais rien. Enfin. Il y avait moins cette recherche quand même du professeur, quoi. On était plus là pour l'exercice, mais même sans aller jusqu'au gourou, on va quand même chercher un professeur qui nous parle, dans lequel on peut se reconnaître, auquel on a envie de s'identifier. Enfin, évidemment, ça fait partie aussi du processus, quoi. Bon, on va vous demander de vous étaler sur le dos, comme pour prendre un bain de soleil. Okay. C'est pas difficile, le bain de soleil. Voilà. Bon, vous allez essayer de rapprocher légèrement vos deux jambes pour ne pas être en étoile. Bon, et les mains un peu plus près du corps pour une question d'épaule. Vous voyez, elles sont plus loin du cou, comme ça. Alors, moi aussi, j'ai tenté de trouver des profs et des capitaines pour m'emmener en voyage en pays yogi, côté Ashtanga, Iyengar, Nidra, Bhakti, Kundalini, Vinyasa. J'ai beaucoup cherché. Et puis, un jour, je suis arrivée rue de Rome, chez une des plus anciennes enseignantes de Paris. Dilatez, si vous voulez, si chez Eva Rupol, on commence par un cours particulier. Et dans son théâtre, pas besoin de tapis. La moquette est bleue comme... Le vide autour, le tapis où il n'y a rien. Je ne voudrais pas qu'on se délimite comme dans un cercueil avec un petit tapis qu'il ne faut pas dépasser. Non, je préfère passer régulièrement ma moquette au désinfectant et vous laisser libre de bouger. L'espace, et ça fait partie de l'air, ma moquette. C'est pour ça peut-être qu'elle est bleue. Non, elle est bleue par accident. Parce que j'avais commandé il y a 40 ans une grise et quand j'ai ouvert la porte, à la fin des travaux, elle était bleue. Ben, j'allais pas tout recommencer. Puis finalement, eh ben, bon, j'ai pris... Le défaut pour une qualité. Et puis vous sentez quand vous entrez, il y a comme un petit miracle. Je ne suis pas superstitieuse, mais je suis plus que ça. On est bien là. Vous pouvez poser vos deux mains bien bénévoles, bien sur votre estomac, pour sentir comment ça fluctue dedans. Comme dit Patanjali, faites donc du yoga selon, mais il ne dit pas quoi. Il ne dit pas selon quoi. Et à vous de trouver le selon. Alors, attendez, je vais prendre sur mes genoux. Il y a des postures excessives qui ne servent à rien. Ça, c'était en Floride, à Miami. Elle est pas mal aussi. Ça, c'était à Bangkok. On attrape la jambe arrière, on place le pied à l'intérieur du coude et on lit les deux mains. Dans une rue à Manhattan. C'est ça. C'était tout le matin, ça. Il n'y avait personne dans les rues. Voilà, New York, c'est là, en fait, où tout a commencé. Et j'y vais assez régulièrement, en fait, pour me faire un shoot de cours de yoga, même de cours de fitness en général. Et de toute façon, c'est une source d'inspiration pour moi. J'ai ouvert mon compte en fait Instagram quand j'étais en formation il y a maintenant 6 ans à New York. Tout le monde était sur Instagram, donc je voulais pas mettre mon nom, je voulais pas mettre Sandrine Bridoux. Je me suis dit, bah tiens, pendant la formation, tout le monde m'appelait la French Yoga Girl. Du coup, bah, sur Instagram, mon nom est French Yoga Girl. Mais je ne pense pas quand même avoir le plus beau compte de yoga, non loin de là. Voilà, j'ai 34 ans et j'ai commencé à enseigner il y a 6 ans à peu près, juste après ma formation, donc à 28. Et à l'époque, de toute façon, Instagram, c'était pas très big encore, c'était pas un énorme truc comme maintenant. Il n'y avait pas grand monde et surtout dans le yoga. Le yoga, c'était encore quelque chose de très nouveau, mais même pas nouveau en fait. Il y avait à Paris à cette époque-là, je me souviens, il n'y avait que du yoga traditionnel, c'était difficile de trouver des cours. Donc voilà, c'était pas du tout à la mode. Donc j'étais un peu, j'apportais, je pense, quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de comptes français de yoga. Voilà. C'était mon ancien appartement. Là, on a l'impression que ta jambe fait 2,10 m. Oui, c'est normal. Sais. Après, j'ai des grandes jambes par rapport à mon corps. J'ai un petit buste et des longues jambes. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de gens qui me voient en vrai m'imaginent plus grande, en fait. Parce que mes jambes sont tellement longues qu'on m'imagine très grande. Mais en fait, non, je ne suis pas si grande. Je suis plutôt un petit format même. Donc, je peux t'assurer qu'il y a d'autres personnes sur Instagram qui font des choses encore plus dingues. C'est vrai que c'est quand même mon identité, le yoga. Donc parfois, il m'arrive de poster que des paysages, mais ça plaît moins aux gens. Les gens, ils attendent de moi du yoga et je le sais très bien. Hein. C'est mon métier. Je me sens plus prof de yoga qu'influenceuse, en fait. Moi, je pense que mes premières collaborations, je les ai faites quand j'avais un peu plus de 10 000, ouais. 10 000 followers. Voilà. Des premières collaborations que j'ai faites, c'était pour Biotherm, des crèmes, et en fait, ils voulaient se positionner sur le bien-être, sur la slow life, le slow living. Ils étaient vraiment dans ce mouvement-là. J'avais même pas forcément besoin de faire des photos avec des produits, par exemple. C'était juste un partage d'univers. C'était m'identifier et partager des choses avec la marque. Par exemple, j'étais partie un moment à Los Angeles. En fait, en gros, Biotherm avait fait un takeover, c'est-à-dire qu'ils partageaient mon expérience à Los Angeles sur leur compte, en fait. Bien évidemment, il faut déjà une influence assez assise. Donc, il y a quand même beaucoup de comptes maintenant qui commencent à aussi monter en yoga. Moi, j'ai l'impression d'être un dinosaure, en fait, que ce soit en tant que prof de yoga, que ce soit sur Instagram. Mais c'est vrai, c'est même mes élèves qui sont devenus maintenant des amis, elles me disent, mais toi, c'est fou. T'es un dinosaure du yoga. Main gauche au sol, décoller la jambe droite, guerrier numéro 3. Main au sol, la jambe gauche vers l'arrière, inspirez. Déroulez en planche, chaturanga. Inversez les pieds, chatte en haut. Et retournez en chatte en bas. Je sais pas, j'ai eu l'impression quand on a commencé la leçon, parce que je vais parler de mon expérience. Il y avait comme l'envie de rendre les autres conscients de leur talent. Quelque bien chose sûr. Comme ça. Comment vous définiriez, vous, l'enseignement ? Exactement. Vous avez une aptitude, on va gentiment aller la chercher. C'est tout. On a tous un talent de vie. Je vous promets qu'en faisant un peu de yoga, en vous désénervant, en vous défatiguant, vous aurez envie d'exercer votre talent de vie. Une petite prise de techniques respiratoires, ça laisse les mêmes traces qu'une bonne nouvelle. Quand vous êtes sorti avec le pied léger, vous avez vu ça, vous. Qu'est-ce qui vous était arrivé? Le monde n'était pas changé, la rue de Rome était aussi moche. On doit quand même, à la réflexion indienne, ce réalisme. C'est moche. Je plonge avec les mauvaises nouvelles. Et si je m'accrochais en route? Parce que de toute façon, on va remonter. On peut, mais il faut pour ça de la modestie, de la durée, de la confiance, pas de vantardise. C'est pas très, public. C'est tout privé. Et comme de nos jours, on fait du tourisme de masse, de la culture de masse, de la bouffe de masse, eh ben on fait aussi du yoga de masse. Ça passera. On s'en fout. On vient de loin. On est toujours là. Et on fera autrement. Et le yoga, il sera toujours là. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que quand on est tranquille dans son jardin, on a toujours des invités. C'est pas grave. Nous sommes à l'ère de la pire décadence qui s'appelle le Kali Yuga, l'ère de Kali, la destructrice. Bon, eh bien, on détruit. Bon, c'est facile, bon. Mais on peut très bien avoir un radeau et ne pas aller dans le sens de tout le monde. C'est pas grave. Ah, c'est ça que vous enseignez sur le tapis, c'est le radeau. C'est peut-être une image, parce que les gens ne viennent pas sur mon tapis, j'espère, pour se reconstruire. Ils essayent de ne pas se détruire. C'est déjà la catégorie au-dessus. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus pour perdre leur tour de derrière, comme on dit le tour de taille. Il ne faut pas demander les motivations. On s'en fout. Ça les fait devenir eux-mêmes. Mais bon, avant, je faisais autre chose, donc voilà. Qu'est-ce que tu faisais ? J'étais responsable juridique dans l'énergie, dans une boîte dans l'énergie. Et je travaillais d'abord dans l'électricité, puis après dans le gaz. Et voilà. Et en fait, j'avais commencé le yoga parce que je sentais que j'avais besoin de ralentir. Je faisais énormément de sport à l'époque, environ 15 heures par semaine. Et j'allais à la salle de gym et je faisais des heures et des heures de sport à la salle de sport. Et en fait, c'est le yoga qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas épanouie dans ce que je faisais. J'essayais, en fait, moi-même de me raisonner, de me dire, mais c'est génial, à 28 ans, tu fais partie du comité de direction d'une boîte. Ça veut dire que t'es bonne dans ce que tu fais. Ça veut dire qu'on te fait confiance. T'as du pouvoir et tout. Mais en fait, moi, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et effectivement, je gagnais très correctement ma vie. J'avais même pas des horaires de fou parce que je m'auto-gérais. C'est vrai que ça m'oppressait vachement quand j'ai changé de boulot. Enfin, quand je suis devenue prof de yoga. La première question des gens, c'était « Alors, ça y est, t'arrives à gagner ta vie ?» Et ça m'insupportait. T'es heureuse, ça te remplit. Enfin, c'est ça les questions qu'on devrait poser aux gens et pas « Combien tu gagnes ?» On n'a pas un statut de salarié. Donc, c'est pas facile. Hein, enfin, tout ce qui est sécu. Bah, par exemple, moi, il y a 2 ans et demi, je me suis fait une blessure. Je me suis fracturé la cheville. Pas en cours de yoga, en cours de sport. Et du coup, bah, là, je me suis retrouvée sans rien. J'avais pas de congé maladie, quoi. Non, j'avais rien de tout ça. Et bah, tu peux pas travailler, t'as pas de revenus. Donc voilà. C'est vrai que sur le coup, ça m'a fait très peur. Parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc en fait, s'il m'arrive la moindre chose, en fait, il n'y a plus rien. C'est là où je me suis commencé à me dire, il faut que tu fasses des choses à côté, il faut pas que tu dépendes à 100% d'un métier physique. Je demande en fait une santé parfaite au niveau du corps et... Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de cette dépendance, en fait. Que si t'es blessé, tu peux plus rien faire et t'as plus rien. Le plus important, c'est d'être aussi à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que si tu sens que ton corps, il te dit non aujourd'hui ou qu'il est fatigué, tu t'arrêtes, tu te reposes et tu reprends et tu fais ce que tu peux. J'aime beaucoup la phrase qui dit « Commence là où tu es, fais ce que tu peux avec ce que tu as. » On va pas, en fait, uniquement... enseigner des postures de yoga ou faire un show ou leur apprendre comment faire le grand écart ou je ne sais pas ou des équilibres ou quoi que ce soit. C'est important en fait de leur apprendre le bien-être en fait, l'aisance, de leur transférer une expérience de bien-être en fait, qu'ils se sentent bien. L'idée, c'est qu'à la fin d'un cours de yoga, tu te sentes mieux qu'au début. On est plutôt des guides en fait, on est là pour guider les gens. Been a strange day, walking just a little outside of my heart. Alors du coup, est-ce qu'il doit y avoir une part de non-dit dans l'enseignement du yoga ? Oui, je crois que je... Oui ? Oui, je compte beaucoup sur le non-dit. Parce que de toute façon, tout ce qu'on dit, c'est un peu à côté. Même quand on est prof ? Surtout quand on est prof. On a des petites ficelles de métier. On se débarrasse de cette question avec telle réponse. Non. Et le non-dit, c'est super. ça marche très bien. Exemple. À un moment donné, j'étais prêt d'abandonner, tout à fait décidé à ne plus. Oui, parce que j'étais fatiguée. Et après mes leçons, encore plus fatiguée. Mes leçons, une petite séance que je m'administrais moi-même. Et une nuit, par hasard, j'avais un bébé malade ou je ne sais pas quoi. Je me trouvais debout au lieu d'être en train d'essayer de dormir. Je me suis dit, je me fais une petite leçon. Et dans le silence de la nuit, j'ai entendu un monsieur qui marchait sur le trottoir en bas de chez moi en promenant son chien. Et il avait un rythme, tac, tac. Et je me suis rendu compte que, sans le savoir, j'abaissais le rythme de mon cœur, qui marchait encore plus lentement que le bonhomme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me faisais une heure de ralenti cardiaque. Quand je faisais une heure de yoga, ça ne va plus du tout. Alors j'ai appris à rythmer sur mes doigts. J'ai cessé de me tromper moi-même. Alors, bon, je fais adopter ça à tout le monde. Alors, veillez bien à ne pas être surtendu pour déplier à fond. On se passe sur le ventre et on se fait une horreur. Vous venez sur mon tapis, vous inspirez tranquillement, vous comptez sur vos doigts. Et nous voyons, nous, les petits instituteurs, celui qui gnognante, qui compte trop lentement, ou celui qui se grouille parce qu'il s'est disputé avec son patron. Et on voit. Vous voyez, tout ça me vient du monsieur, complètement inconnu, qui promenait son chien encore plus inconnu. Mais si je n'avais pas eu l'oreille tendue, je ne l'aurais pas entendu. C'est difficile de travailler tout seul. Ça peut être dangereux si on triche, si on se dit « je fais du yoga, donc je vais mieux ». Mais non, le yoga vous dit vous-même, en sortant de la leçon, « youpi, ça va mieux, ça vous parle ». Mais c'est vrai que j'ai conscience que je ne peux pas conseiller aux gens « quitte ton boulot, deviens prof de yoga et vas-y, lance-toi ». Non, ça prend du temps, il faut réfléchir le truc. Moi, ma formation m'a coûté quand même assez cher. Au final, ça m'a coûté 10 000 euros. Voilà, il faut pas sauter dans le vide sans parachute, en fait. Il faut avoir de l'argent de côté, il faut avoir un plan, en fait, un vrai plan, comme un business plan, en fait. Hein. Surtout à l'heure actuelle, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs. Et quand on commence à enseigner, on commence à enseigner dans des studios, et les studios ne payent pas forcément très, très bien. Non, non, c'est pas... Tous les profs le diront, mais ce qui permet vraiment de faire vivre un prof de yoga, c'est les cours privés. Je crois qu'il y a certains studios qui payent mieux que d'autres, mais ça commence par exemple à 30 euros de l'heure. Donc quand tu es auto-entrepreneur, tu as quand même 25% enlevé, donc c'est pas grand-chose. Hein. Parce que le déplacement, la préparation du cours, tout ça, c'est pas grand-chose. Donc faut le faire, on va dire, pour se faire la main, pour se créer une clientèle. Mais je ne conseille pas de faire que ça, en fait. Parce que dans ce cas-là, il faut donner une vingtaine de cours ou 30 cours par semaine pour en vivre. Ce qui est, pour moi, impossible. Donc après, si c'est pour que les gens... OK, ils décident de vivre de leur passion, mais pour qu'ils finissent en burn-out, c'est raté, quoi, pour le coup. C'est possible de faire un burn-out quand on est prof de yoga ? Je pense que c'est possible et je pense qu'il y en a. Je pense, par exemple, moi, j'ai vu un de mes amis à New York, limite en faire un. Et pourtant, il arrivait à gagner 3000 dollars par mois, je crois. Mais c'est rien à New York. 3000 dollars par mois, c'est l'équivalent du SMIC ici. Il faisait beaucoup de cours, mais voilà, les cours en studio, ça paye pas forcément. Et il était en burn-out dans le sens où je le sentais de plus en plus malheureux. Et d'ailleurs, maintenant, il est plus prof de yoga. C'était quelqu'un de très diplômé d'Harvard et tout, donc il a finalement pris un travail, hein, parce qu'il en avait marre. Je crois qu'il ne pratique même plus le yoga. Alors qu'il était impressionnant, il était hyper doué, et c'était un très bon prof. Moi, j'aimais beaucoup prendre ses cours, mais c'est dur, quoi. Il n'y a rien d'urgent, vous avez la vie devant vous pour vous en foutre ou pour vous accomplir. J'ai eu le sentiment, donc, pendant la leçon, qu'il y avait aussi... C'était presque un enseignement à ne pas en faire trop. Mais bien sûr. Ce qui est assez original. Non, un enseignement à ne pas en faire trop, c'est capital pour notre karma, comme dirait l'Indien. À l'heure actuelle, quand on a quelque chose d'intéressant, si on en faisait un peu plus. Et alors, le kumbhaka de l'Indien, c'est d'en prendre et de s'arrêter juste quand c'est encore bon. On en prendrait davantage, mais non. Kumbhaka, c'est l'arrêt, la suspension respiratoire. La même chose pour expirer. On expirerait davantage, mais non. Et c'est très, très malin de la part des Indiens d'avoir placé la surveillance intellectuelle à un niveau qui était contrôlable. Si vous avez la moindre fuite dans une petite pensée traversière, vous loupez votre temps respiratoire, vous étouffez. Le soupir, c'était fait pour quoi ? Naturellement, quand vous soupirez, pour tourner la page. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à essayer... De mûrir des projets à côté. Donc après, j'ai voulu me lancer dans les retraites. Donc cette année, j'ai fait 2 retraites de yoga. Et également, c'est là où j'ai commencé à développer l'idée avec une très bonne amie de lancer notre marque de CBD. Qu'est-ce que c'est ? Alors le CBD, c'est les initiales en fait du cannabidiol. C'est un extrait de la plante de la marijuana, mais c'est pas du tout pareil. En fait, on ne prend pas la même chose de la plante, on ne prend pas la même partie. Et du coup, en fait, c'est juste un produit qui aide à se détendre, à déstresser, mais qui est également antalgique, anti-inflammatoire. C'est quelque chose d'assez magique, en fait. En fait, moi, je me qualifie en fait, d'une dealeuse de chill, que ce soit par le yoga ou grâce au CBD ou par le biais du CBD. Je deal du chill aux gens, enfin du bien-être, en fait. Je les aide à se détendre, à mieux vivre au quotidien et juste à apprendre à se relaxer et à chiller. Voilà. Vous venez de compresser, de tirer, de surtout de mettre en route quelques réflexes par zone. Ça ne va pas s'évaporer tout de suite. Il n'est pas question de refaire derrière. Il est question de faire rien. Il y a ce que les cultivateurs appellent la dormance chez les plantes. Et dans notre culture, on entasse. Il faut du beaucoup, du beaucoup, du beaucoup. Et on se plaint de perdre la mémoire. Mais on l'a tellement vandalisée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire rien tout le temps, mais ça veut dire que le temps de rien... sans intention est très important. Quand on joue à entrer dans la complicité de sa respiration, c'est ça qui nous mène à la possibilité de faire rien. Il faut en faire beaucoup, il faut en faire beaucoup. Mais on ne va pas mourir demain. Même quand on a 91 ans, on a le temps d'en faire. Bon, puis on va vivre malgré la petite leçon de yoga qu'on va aller prendre une fois par semaine. Pas plus, hein, surtout pas plus. Bon, alors pour moi, les 7 jours qui se passent de leçons de yoga vous préparent à réinventer ce qu'on vous enseigne comme si c'était la première fois et la dernière fois de sa vie qu'on le faisait. Et c'est pas facile de faire... la première fois et la dernière fois de sa vie tous les jours, à heure fixe en plus. Et une fois par semaine, c'est déjà bien suffisant. Comme me disait le monsieur que j'ai expédié cet hiver, il voulait plus qu'une fois par semaine. Ah, mais moi, le yoga, vous comprenez, il faut que j'apprenne. J'interviens, je dis, mais le yoga, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Et puis si, comprendre provisoirement, parce qu'on va peut-être comprendre autre chose dans 2 ans. Ça marche, la comprenette. Et c'est intéressant de comprendre. Apprendre, on s'en fout. Vraiment. Alors au début, c'est vrai que je ne voulais pas enseigner. J'avais fait ma formation plutôt pour comprendre ce que j'étais en train de faire quand je faisais du yoga et puis pour être un peu plus autonome dans ma pratique. Moi, j'ai passé 25 ans à fumer comme un pompier. Par exemple, là, on est en train de faire l'interview et je suis en train d'attendre le moment où je vais pouvoir vapoter parce que j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de mon addiction à la nicotine. Donc, merci. Mais donc, voilà, donc je peux pas faire semblant d'être une yogi 100%, une yogi pure et dure, etc. Mais, et à mes élèves, je peux pas dire ça non plus. Mais à mes élèves, je peux dire, OK, on va faire une séance cette fois-ci pour ouvrir les hanches et on va voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Moi, c'est la seule chose que je peux transmettre, quoi. Et j'aime beaucoup ça par ailleurs, mais voilà. Je trouve ça chouette de pouvoir me dire, ah ben, là, cette séance, je vais plutôt la faire pour Louisa, parce que là, c'est une de mes élèves qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Alors, je sais qu'il y a des choses qu'elle peut pas faire, donc je vais faire une séance. J'ai une autre amie qui vient à mon cours. Il y avait un moment où elle était vraiment triste et tout ça, et je me suis dit bon, ben, on va faire un cours spécifiquement pour elle. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un plaisir de voir les gens s'aligner sous vos yeux, quoi. De voir un corps qui s'ouvre. Ah bah ça passe quoi, et on voit le corps qui peut enfin prendre le bon alignement. Bah ça c'est un très beau spectacle. Et moi-même quand je me fais ajuster, j'ai le même plaisir aussi de communication en fait. C'est vraiment une façon de parler à des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'aurez peut-être jamais de vraie conversation. Mais le yoga ça permet ça aussi, je trouve, en tout cas dans l'enseignement et dans le qu'il soit donné ou qu'il soit reçu. Mais je trouve que c'est vraiment un langage au-delà des mots, c'est un langage au-delà des mots. Ouais, complètement. Et puis qui, voilà, un corps qui résiste, un corps qui accepte l'étirement, l'ajustement, un corps qui est plus volontaire, un corps qui, ça raconte plus de choses que les discussions. Alors toi, tu fais quoi dans la vie ? Et donc, t'habites dans quel quartier ? Non, on n'a pas ces conversations-là. Mais il y a des conversations qui sont à un autre niveau. Par exemple, j'ai mon amie Aurélie. Si on doit rester en iguane un peu trop longtemps, je sais qu'elle va me regarder. Je sais qu'elle va m'encourager. Parce qu'elle sait que pour moi, c'est une posture extrêmement difficile, qui me fait beaucoup pleurer, qui est pour moi très éprouvante mentalement. Et ben, je sais qu'elle regarde. Donc, c'est des choses qui sont à la fois très éphémères, mais pour moi, qui comptent énormément et qui crée des relations très fortes, effectivement, avec les gens avec lesquels on pratique, quoi. Well, I can see that you and yoga will never do. C'était la chaîne de l'enseignement Yogi, posture et imposture, avec Marie Coq, auteure de Yoga, une histoire monde, aux éditions La Découverte, Sandrine Bridou, aka French Yoga Girl, Isée Tardon-Masquelier, Gourmouk, Eva Rupol, Ramsing et Marine, avec Jeanne Raymond pour la traduction. Merci à David Walters et à Olivier Kunduno pour la musique additionnelle parue chez Jarring Effect. Archivina, Anne Delaveau, documentation Anne Signoret, prise de son Manon Houssin, mixage Claude Nior, réalisation Manouchak Fachaillou, une émission d'Élodie Maillot, coordination Perrine Carvan et Marie-Vonne Abolivier.